t'es parti, dis-moi pourquoi t'es parti, maman c'est quoi ça, dis-moi pourquoi t'es parti, ah maman c'est quoi ça, dis-moi pourquoi t'es parti, ah maman c'est quoi ça, dis-moi pourquoi t'es parti, t'as déjà oublié ce qu'on a vécu, où tu me disais bébé je t'aime, sans toi je ne peux pas avancer. Je ne peux plus manger. T'as pas faim. Ah maman c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Ah bébé c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Ah nounou c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. T'as déjà oublié tes petits enfants qui n'ont rien à faire dans nos problèmes. Ne coupe pas ce que tes amis te disent. J'ai crié, pourquoi tu m'appelles ça bébé? Je te dis, aïe maman, je te dis, aïe papa la nana, je te dis, chérie coco, je m'aime, j'ai crié, pourquoi tu m'appelles ça bébé? Je te dis, aïe coco, je te dis, aïe nonou nanana, je te dis. Mama.